Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Tout d'abord, une mise en contexte du récit. La guerre civile éclate le 17 juillet 1936 au Maroc, quand, dans la pure tradition du pronunciamento, l'armée espagnole, soutenue par l'Église et les partis de droite, dont les fascistes de la Falange, se soulève contre la République et le Front populaire, élu en février. Une partie des garnisons d'Espagne répond à l'appel des généraux Franco et Mola. Du 18 au 31 juillet, la moitié centre-ouest du pays et une partie de l'Andalousie sont occupées par les factieux, qui installent leur gouvernement à Burgos. Mais le soulèvement échoue en Catalogne, dans le Levant et dans le Nord, dans une partie de l'Aragon, de l'Andalousie et de la Castille. À Madrid, la République reste en place, mais le gouvernement refuse d'armer le peuple, commence à négocier avec les mutins et doit démissionner. En fait, la République est dépassée par la situation, et les seules forces organisées qui font face aux militaires insurgés sont les militants politiques et syndicaux. Ils décrètent la grève générale et s'arment tant bien que mal. C'est la population organisée en milices qui prend d'assaut les casernes à Madrid, Guadalajara, Toledo, Valencia, Oviedo, San Sebastián, à Bilbao et Gijón. La victoire la plus éclatante se produit à Barcelone. Après des décennies de grèves insurrectionnelles et le refus du Front populaire de mettre en œuvre les réformes sociales promises, les travailleurs des principales villes ouvrières se retrouvent en situation de prendre enfin leur existence en main. Le coup d'État va en quelque sorte impulser la révolution espagnole, la guerre civile représentant le moment culminant de la guerre sociale engagée dans ce pays. Le soulèvement militaire est provoqué par les classes dominantes et la fraction la plus riche des classes moyennes. Elles ont su mettre leurs divergences sous le boisseau afin d'en finir radicalement avec les dernières révoltes organisées des ouvriers et paysans de l'Europe de l'Ouest. Elles ont la confirmation rapide que les démocraties les laisseront mener cette guerre. Dès le début de la Révolution, des navires italiens, français, allemands et anglais croisent au large des côtes de Catalogne et bientôt se tiendra à Londres la première réunion du Comité international pour la non-intervention. Il est clair que la France et l'Angleterre feront l'impossible pour étrangler la Révolution espagnole. Dans l'Espagne de 1936, se pose la question de savoir comment la seule population en Europe qui lutte à la fois contre les rapports sociaux capitalistes et le fascisme va se confronter à l'épineuse question du pouvoir. À Madrid, l'État et le nouveau gouvernement se retrouvent privés de leurs moyens d'action. Dès le 19 juillet, dans toute l'Espagne restée républicaine, dans les villes comme dans les campagnes, et surtout à Barcelone, où les anarcho-syndicalistes de la Confédération nationale du travail sont maîtres du terrain, la population participe massivement et spontanément à la suppression de la propriété privée et à tout ce qui rendait possible l'exploitation de l'homme par l'homme. Autrement dit, elle exproprie les expropriateurs. De jour en jour, dans la capitale catalane, une partie des entreprises et ateliers, des commerces et transports, des services de distribution et de communication, de santé et d'éducation, des cantines, hôtels, restaurants, sont collectivisés et remis en marche. Une partie des biens des capitalistes, espagnols comme étrangers, sont saisis et des immeubles réquisitionnés. les comités de quartier et les comités d'usine forment un réseau qui contrôle l'agglomération. L'armée et la police ayant disparu, il n'y a plus d'autre autorité que celle de tous. Cela ne se fait pas sans violence individuelle ou collective, à l'encontre des représentants de l'Église, des propriétaires fonciers, des patrons et capitalistes. Et si peu qu'on connaisse l'histoire sociale de l'Espagne, on sait pourquoi et à quel point la haine de classe était forte. Beaucoup de symboles du pouvoir religieux, politique et économique sont brûlés, comme des églises et couvents, des archives notariales et cadastrales, des fichiers d'usine sur le personnel. Hommes et femmes s'attaquent notamment aux banques et au feu sont jetés, entre autres choses, des caisses remplies de billets. Cet acte-là signifie profondément que tout retour en arrière est désormais impensable. George Orwell, qui se trouve à Barcelone en 1936, y rencontre, nous citons, des êtres humains cherchant à se comporter en êtres humains et non plus en simple rouage de la machine capitaliste. Ainsi, loin de subir les événements, les travailleurs des villes et des champs passent à un cran supérieur de la lutte et mettent en œuvre les programmes sociaux et politiques révolutionnaires pensés, rédigés et discutés depuis le début du siècle par le plus important mouvement anarchiste de l'Europe du moment. Le récit qui va suivre rend compte à la fois de l'enthousiasme qui règne quand des hommes et des femmes s'engagent corps et âme dans une révolution, mais aussi de l'extrême difficulté à tout mener de front et à rester politiquement lucide quand il s'agit en même temps de faire la guerre. Il faut prendre en compte que beaucoup de situations cruciales doivent être réglées en très peu de temps et sous la pression internationale. Corrélativement, une question essentielle s'impose. Le prolétariat européen va-t-il se sentir concerné et comment va-t-il le faire savoir? Antonio Jiménez, pour sa part, y a répondu, comme nous allons l'entendre. Maintenant, sur l'origine du manuscrit. De 1976 à 1982, mon ami et moi fréquentions le milieu libertaire et le groupe local de la Confédération nationale du travail de Marseille. Nous étions imprégnés de l'histoire de la Révolution espagnole de 1936, car nos amis réfugiés espagnols de la CNT en exil faisaient revivre cette période quotidiennement dans des récits, discussions et querelles. Un groupe de la Fédération anarchiste avait un local situé au cœur du quartier historique de Marseille, celui du Panier. Ce groupe, dont faisait partie un jeune couple, Viviane et Fred, tenait des permanences dans ce local loué dans le même immeuble que celui du grand-père de Viviane, Antonio Jiménez. C'est ainsi que nous fîmes la connaissance de cet anarchiste, né dans la région de Pise, italien malgré son nom espagnol, qui avait participé à la Révolution espagnole dans la colonne d'Urruti avec tant d'autres internationaux. Antonio venait de finir d'écrire ses mémoires sur cette période bouillonnante et déterminante de sa vie. Faute de rencontrer l'intérêt des éditeurs, une diffusion restreinte à une dizaine d'exemplaires fut réalisée. Les mémoires d'Antonio rencontrèrent très vite un succès car le récit était vivant, historique et érotique. Nous disposions là d'un témoignage sur la vie sensuelle et sexuelle d'un militant venu se battre en Espagne et participer à un mouvement révolutionnaire où toutes les idées et interrogations devaient être confrontées et expérimentées. Ce document est un des rares témoignages sur les volontaires étrangers qui s'engagèrent dans les milices anarchistes. Il couvre toute la guerre civile de juillet 1936 à février 1939. Le 26 décembre 1982, Antonio nous quittait à l'âge de 72 ans, laissant ce témoignage exaltant que nous avons voulu faire revivre dans ce feuilleton radiophonique. Le 19 juillet 1936, Antonio Jiménez est à Lérida et se mêle aux événements. Depuis quelques mois, le curé qui venait régulièrement dire la messe au couvent de Sainte-Claire dépeignait les rouges comme des monstres sans pitié. Véritables démons crachés de l'enfer pour répandre le meurtre, le viol et mille autres atrocités sur la terre entière. Il exhortait les sœurs et les novices à écrire à leur famille, de se préparer à lutter jusqu'à la mort, pour la victoire de Cristo Rey. Les premiers coups de fusil, l'éclatement des premières grenades, avaient plongé Teresa dans une peur telle qu'allongée au pied du crucifix de sa cellule, elle n'avait même pas entendu les sons de la cloche qui les appelait toutes à la chapelle. Une demi-douzaine de phalangistes et de curés s'étaient réfugiés dans le couvent. Et de là, ils nous avaient canardés. Les partisans du Pronunciamiento ne tenaient plus que le fort de Lérida et le séminaire. Des femmes et des enfants se promenaient, curieux de voir ce que la révolution avait laissé comme trace sur les murs de leur ville. C'est alors que les balles tirées au jugé d'une petite ouverture, un espèce de fenestron, blessèrent deux ou trois passants. En quelques minutes, une centaine de militants en armes étaient groupés devant la porte du couvent. Une cartouche de dynamite suffit pour leur ouvrir le passage. Ils se précipitèrent à l'intérieur. Les phalangistes et les curés armés s'étaient retranchés au dernier étage, duquel ils furent abattus, séance tenante. Moi j'étais absent, et je le regrette. Car j'aurais aimé voir comment on meurt, les armes à la main, ces hommes qui se disent le représentant d'un dieu d'amour et de justice. Je m'étais arrêté à la chapelle, où tout le troupeau des sœurs et des novices s'était rassemblé, dans l'attente de je ne sais quelle fin horrible, au milieu de tortures et de viols. Mais ce qu'elles craignaient n'arriva pas. Un militant de la CNT s'avança et leur dit « Señoras, no tengas miedo, n'ayez pas peur. Vous allez quitter ces lieux. Vous serez libre d'aller où vous voulez, en France ou chez vous. » Et encadrées par des hommes en armes, elles sortirent du couvent. Le lendemain, la majorité des sœurs prenaient le train pour la frontière. Quelques-unes, celles qui étaient d'origine catalane, choisirent de rester, en attendant de pouvoir rejoindre leur famille. La foule, après le départ des nonnes, avait envahi le couvent et le mettait à sac. Les objets les plus hétéroclites s'entassaient sur la petite place. Tableaux, rosaires, Christ en croix de toutes dimensions, livres d'art, œuvres profanes et sacrées, et jusqu'à des collections de photos que l'on ne s'attend pas à voir entre les mains d'une mère supérieure d'une congrégation de jeunes filles. Une main se posant sur mon épaule m'arracha à la contemplation des flammes qui dévoraient toutes ces choses, dont quelques-unes peut-être étaient des œuvres d'art. C'était Miguel, un jeune militant des Jeunesses Libertaires, que j'avais connu dans la nuit précédant la riposte du peuple espagnol au coup d'état du général Mola et Franco. Nous avions immédiatement sympathisé, et il avait tenu à me présenter à sa sœur et à sa mère. Depuis, nous ne nous quittions presque plus. Je me retournais vers lui et je lui demandais des nouvelles de son aîné qui était avec nous lorsque nous avions franchi la porte du couvent. Juanita n'était pas loin, et elle n'était pas seule. Une jeune fille, presque une enfant, l'accompagnait. Miguel m'expliqua que sa sœur avait trouvé cette fille dans une cellule du couvent, allongée par terre, à demi morte de peur, devant un Christ en croix. Prise de pitié pour cet enfant, elle avait décidé de la sortir de là pour la conduire chez leur mère, en attendant qu'elle puisse retrouver sa famille. Il me demanda de l'aider à convaincre sa sœur d'abandonner son idée. Je ne sais si la petite nonne me parut mériter que l'on s'occupât d'elle, ou parce que Juanita me plaisait, mais je conseillais à Miguel de faire ce que sa sœur voulait. La gosse s'appelait Teresa, avait 17 ans, et depuis l'âge de 7 ans était cloîtrée. Ses parents l'avaient destinée ainsi pour que toute leur fortune reste au frère cadet. Destinée à entrer en religion, elle ne connaissait le monde que parce qu'en disait le curé dans ses sermons, ou par les récits des novices qui rentraient au couvent à un âge déjà avancé. Un soir, sans qu'on l'interrogeât, elle nous conta son histoire. Quand elle levait les yeux, son regard se dirigeait, comme malgré elle, vers Miguel. qui de son côté ne regardait qu'elle. Le soulèvement à Lérida avait abouti en moins de 24 heures. Le 18 juillet 1936, l'armée avait occupé tous les points stratégiques de la ville. Je me trouvais ce jour-là dans la commune d'Alcaraz, en train de donner un coup de main à un ami dans une ferme de Valmanga, lorsqu'un copain du village vint nous prévenir que l'on se battait en ville. Je partis sur le champ, avec lui en direction de Lérida. En route, d'autres jeunes se joignirent à nous. Nous étions bien une douzaine lorsque nous arrivâmes à proximité de la ville. Les combats avaient cessé. Le silence était total. Une bonne femme, reconnaissant un des jeunes, nous dit que les abords de la ville étaient gardés par les phalangistes. Nous décidâmes de nous séparer et de nous retrouver au siège de la CNT. Étant de nationalité italienne et ne connaissant pas le terrain, je dis à mes amis que je continuais la promenade par la grande route. J'avais une idée. Il fallait que je rentre par la ville avec la permission de la phalange et leur bénédiction pour pouvoir circuler librement. Lorsque je fus en vue des premières maisons, je me mis à chanter Giovinezza, d'une voix tellement fausse que tous les oiseaux des alentours s'enfuirent à tire-d'aile. Les paroles, sinon la musique, résonnèrent dans le silence de la campagne catalane comme un défi. La rue était déserte. Je m'y engageais en chantant et je commençais à croire que la garde avait été levée, quand une voix rauque éclata derrière moi. Alto, non ne va usté. Surpris, je me retournais. Un officier de l'armée pointait son revolver sur moi. Non ne va usté. À Lérida, lui répondis-je. Je suis italien, touriste. Un civil armé, lui aussi, prenant la relève, me demanda mes papiers. Je lui tendis mon passeport. Italien, non? Si. Fasciste, hein? Avanguardista. Viva Mussolini, me dit-il en me rendant mon passeport. Je fis le salut romain en disant Eya, Eya, Alala, et je repris mon chemin en fredonnant l'hymne fasciste. Le siège de la CNT se trouvait dans les combles d'un immeuble dont le premier étage était occupé par les bureaux de la FEDA, un groupement de droite dirigé par Gilles Robles. Une quinzaine de personnes se tenaient devant la porte d'entrée. Décidé à rejouer la comédie en cas de besoin, je passais au milieu d'elles. Je me demande encore aujourd'hui pourquoi ces gens m'ont laissé passer sans rien me dire. Combien de copains y avait-il? Des groupes allaient et venaient en discutant. D'autres, assis à même le parquet, autour d'un tas d'une espèce de sable jaune roux, remplissaient les boîtes de conserve et des bouts de tuyaux. Il y en avait qui préparaient des cartouches, avec toute l'application des chasseurs à la veille de l'ouverture. D'autres encore adaptaient les détonateurs à des bouts de mèche. Tout le monde s'affairait, pendant que deux ou trois jeunes femmes circulaient entre les groupes, distribuant des tasses de café. Manuel, que j'avais quitté à 3 km de la ville, était déjà là, bavardant avec un jeune homme qui, tout en parlant, crayonnait sur un bloc-notes les têtes de quelques-uns des présents. Manuel me fit signe d'approcher pour admirer le talent de son ami Miguel. Je lui conseillai immédiatement de brûler ses chefs-d'œuvre, car s'il tombait entre les mains de la phalange ou de la police, il permettrait à ceux-ci d'identifier les copains qui avaient servi de modèle. Je lui dis que s'il voulait passer le temps, il pouvait dessiner un paysage avec une jolie fille et prendre pour modèle une jeune femme qui à ce moment-là s'approchait de nous pour nous offrir du café. C'était sa sœur, Juanita. Il me présenta en disant que j'étais amoureux d'elle et que je lui avais demandé son portrait. De là naquit notre amitié. Nous ne nous quittâmes pratiquement plus pendant tout le temps du séjour à Lérida. Le 19 juillet, au cri de Union Hermanos Proletarios, les hommes de la CNT, de la FAI, de l'UGT, du PUM et du Parti Socialiste se jetèrent dans la rue. Les soldats qui quadrillaient la ville se révoltèrent. Les partisans du général Mola et de Franco, qui purent s'échapper avec quelques soldats qui leur restaient fidèles, se réfugièrent dans le château et au séminaire. Des individus isolés trouvèrent asile dans le cloître de Santa Clara et dans les églises. Lorsqu'une société s'effondre, il y a toujours des excès. Comme un animal que l'on a enfermé depuis longtemps et que l'on lâche subitement dans la nature, libre de toute entrave. L'homme a servi depuis des siècles tâche d'assouvir sa faim, de satisfaire ses désirs et ses rancunes. Alors il pille, brûle. Dans les premières heures de liberté, on pilla. D'abord les armuriers, pour se procurer des armes, puis divers magasins d'alimentation, de vêtements et de meubles. Je me souviens d'avoir vu emporter la porte d'une armoire à glace par un type habillé d'un pantalon rapiécé et d'une vieille chemise, pendant qu'à côté on mettait à sac la boutique d'un tailleur. Intrigué, je lui offris mon aide pour transporter une autre pièce du meuble. Il me répondit qu'il n'avait besoin que de la glace, car sa femme ne désirait que cela depuis leur mariage. Ceci dit, il faut que je reconnaisse que les syndicats et les autres organisations révolutionnaires prirent vite leurs responsabilités, et tout rentra dans l'ordre. Les ateliers et les usines reprirent leurs activités, les commerces se transformèrent en centres de distribution. Comme dans toute révolte populaire, on avait ouvert les portes des prisons. Mais tous les détenus n'étant pas des prisonniers politiques, on organisa des services de surveillance. Il ne fallait pas que ce qui appartenait à tout le monde fût détourné au profit de quelques-uns. Les consignes de surveillance ne furent pas confiées à des groupes spécialement constitués, mais à tous les ouvriers et militants de la ville. À tour de rôle, des volontaires allaient monter la garde ou patrouiller dans les rues. Le curé, en Espagne et ailleurs, a toujours été l'allié indéfectible du capitalisme. Cura, cacique et guardia civil sont les trois piliers de la société espagnole. Les ouvriers et les paysans étaient des esclaves dont cette trilogie pouvait disposer à son gré. Il suffisait de rentrer en conflit avec un de ces trois représentants de la classe dominante, même pour une cause futile, et le coupable était obligé de se soumettre, ou de partir. S'il résistait, c'était le chômage, la misère, la prison. Les coups de feu, tirés du haut des clochers et du cloître, réveillèrent la haine et la soif de vengeance. La chasse au curé se déclencha. Combien furent tués, je l'ignore. Je me souviendrai toujours de l'un d'eux, taillé en athlète, qui, marchant devant deux paysans, répétait « Ne me tuez pas, par pitié, je suis père de famille. » Une double décharge le projeta la face contre terre. Un de ses meurtriers lui donna le coup de grâce en lui disant « Toma, cabrón. » Moi, je regardais ce qui se passait autour de moi. J'étais sans arme. Dans le pillage d'une armurerie, j'avais bien pu avoir un fusil de chasse. Si mes souvenirs sont exacts, c'était un calibre 16, avec une poignée de cartouches que j'avais brûlées devant le séminaire. Une fois les munitions finies, n'ayant jamais eu des goûts de chasseur et trouvant le fusil trop encombrant, je l'avais refilé à un copain, qui me donna en échange un magnifique poignard. Ainsi, les mains libres et légers comme l'air, je me promenais en regardant ce peuple, ivre d'une liberté toute neuve, essayant de bâtir sa société sur des bases nouvelles. Lorsque quelqu'un me demandait de prendre part à une expédition dans un village ou un bourg voisin où on avait signalé la présence de phalangistes, Miguel et Juanita, qui travaillaient au syndicat, me prêtaient leurs pistolets. Dans ces expéditions, j'ai eu la chance de ne jamais tomber dans une embuscade ou sur des tireurs isolés qui prenaient pour cible les voitures chargées à bloc, transportant des hommes sur les marchepieds et même sur les garde-boue. Généralement, à notre arrivée, les affaires avaient été réglées par les habitants du lieu. Et il ne nous restait plus qu'à fêter la victoire, en trinquant la révolution, après avoir compté les pertes de l'ennemi et les nôtres lorsqu'il y avait eu combat. Une seule fois, je fus témoin d'une véritable tragédie. Nous traversions un village assez éloigné de Lérida. Sur la place, nous fûmes arrêtés par une foule en effervescence. Le plus riche propriétaire du pays, que l'on croyait parti à Huesca ou à Saragosse, se cachait dans les caves de sa maison. Découvert, il avait été entouré par les femmes et les enfants de sa famille, lui faisant un rempart de leur corps. Mère, femme, fille, nièce, cousine, que sais-je encore. Une dizaine de personnes, de tous âges, agglutinées autour d'un homme au visage livide, lui interdisaient tout mouvement. Autour de cette grappe humaine, 5 ou 6 individus braquaient leurs fusils, mais n'osaient pas tirer. Voilà le tableau qui se présenta à mes yeux lorsque je pénétrais dans le patio. Tableau bruyant car tout le monde criait, pleurait, gémissait. Puis tout se passa très vite. Une femme s'approcha en courant et en criant « Padre, padre !» À sa main droite, la crosse d'un 9 mm. L'homme la regarda, un flot de sang empourpra son visage. « Consuelo, salvame, hija mia !» Les femmes et les enfants s'écartèrent devant la nouvelle venue, qui leva son bras et tira. de la parte de mi madre, dit-elle. Consuelo était arrivée au village dans la même voiture que moi. Je la connaissais de vue, l'ayant déjà remarquée au cours des premières expéditions. Toujours armée de son revolver, sa crinière noire est bouclée sur ses épaules, insouciante et rieuse, défiant le danger. Avant la Révolution, elle pratiquait le plus vieux métier du monde, dans le plus misérable quartier de la ville. Avec sa mère, elle tenait une espèce d'échoppe sordide, où les clients pouvaient assouvir leur soif d'alcool et d'amour, pour environ 5 pesetas. Depuis, elle se battait, cherchant toutes les occasions de se bagarrer pour entendre les balles siffler à ses oreilles, et son arme secouer son poignet. La dernière fois que je la vis, elle grimpait sur un camion qui roulait vers le front. C'est étrange comme les souvenirs viennent à moi au fur et à mesure que j'écris. Comme une pelote de laine enfermée dans une boîte, on saisit un brin qui dépasse, et voilà que tout le fil se dévide. Malgré une liberté fraîchement acquise, le libertinage et la débauche n'avaient pas de prise dans la jeunesse révolutionnaire. Celle-ci préférait passer son temps libre à discuter, à étudier ou chercher les solutions aux problèmes qui se posaient tous les jours dans l'organisation de ce nouveau mode de vie. Les aventures amoureuses étaient plutôt rares. Au hasard d'une halte dans un village où on passait la nuit, une femme à qui on avait pu dire quelques mots d'admiration pour sa beauté venait parfois nous rejoindre. Mais cela était rare, trop rare. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme. Aujourd'hui, consacrée aux deux parutions des Jiménologues ce mois-ci, Les Fils de la Nuit et À Saragossa ou à Charco, Aragon 1936-1938, récits de protagonistes libertaires, qui paraissent respectivement aux éditions Libertalia pour Les Fils de la Nuit et L'Insomniaque pour A Saragossa o al Charco. Pour discuter de ces deux ouvrages, et de leur longue histoire de confection, d'écriture. Nous sommes avec Myrtille, qui est une gyménologue particulièrement active dans les recherches et dans l'écriture. Donc bonjour Myrtille. Salut, salut. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ces deux ouvrages qui paraissent ce mois-ci ? Eh bien ouais, ça va faire 10 ans de gyménologie, comme on dit, entre nous. Gyménologie... On a adopté ce terme un peu sous forme de blague. C'est notre copain Anselme qui suivait nos travaux en 2004-2005, qui a, au vu de tout ce qu'on a accumulé comme documents, matériels, trouvailles, etc., il nous a dit « Waouh, vous allez pouvoir faire bientôt une chaire en gyménologie ». Oh ben c'est dit ben top là, on va s'appeler les gyménologues, c'est-à-dire ceux qui se sont entichés de l'histoire d'Antoine Jiménez, de tous les personnages qu'il a fait revivre dans son bouquin et qu'on a retrouvé grâce à lui dans cette histoire de la Révolution espagnole, et on va s'attacher à propager cette maladie là. Donc gyménologie, c'est ça, voilà. Et ça a commencé, mais pour ceux qui ont écouté juste un petit peu avant qu'on commence, que tu prennes le micro, on a passé le premier épisode de notre feuilleton radiophonique, qui est le début de cette histoire-là. En fait, on avait le manuscrit d'Antoine Jiménez dans les mains depuis quelques années déjà, puisque des copains l'ont connu à Marseille avant qu'il meure en 82. C'est Jackie et Jean-Marc qui sont pas là. Et ils avaient gardé ce tapuscrit d'Antoine qu'il avait accumulé pendant quelques années sous la pression de sa petite fille Viviane. Et il n'avait pas trouvé d'éditeur parce que les histoires qu'il racontait étaient entrecoupées de scènes racontant ses aventures amoureuses et sexuelles, et même dans les milieux anars, ça avait un peu choqué. Autant en France qu'en Espagne, il n'avait pas trouvé preneur avec son manuscrit. Alors, il était resté dans les tiroirs des amis. Il avait publié, tiré ça à une dizaine d'exemplaires. Il avait laissé dispatcher à quelques amis. Puis après, il est mort en 82. Alors, voilà, il n'a pas vu la suite, le malheureux. Il aurait été étonné. Et parce qu'après, notamment au CIRA de Marseille, ils avaient aussi gardé un exemplaire. Et puis les copains qui fréquentaient le CIRA, Jackie et Jean-Marc, voilà, nous en avaient parlé. On avait ce document depuis quelques années. On se disait, bon, un jour, on en fera quelque chose. Et puis ça s'est déclenché comme ça, vers 2003-2004. Je ne sais pas pourquoi. On s'est dit, tiens, on va s'y mettre. Commencer à relire les bouquins sur la guerre d'Espagne. Commencer à piocher par-ci, par-là. Et puis le déclic véritable, ça a été un jour... Avec un copain, on est allé à Longomaille, où on ne connaissait personne, mais on l'a suivi. Enfin, moi particulièrement, j'ai suivi ce copain pour aller rencontrer les gens de Longomaille. Et puis là-bas, ça a été des super rencontres, notamment une copine qui n'est plus là, et malheureusement, qui est morte en 2006, qui s'appelle Asten, une amie espagnole qui était à Longo, à qui j'ai dû parler du manuscrit, comme ça, je ne sais plus comment. Et elle m'a dit, oh là là, mais c'est bien ce que tu me racontes. Cette histoire-là. Tu sais, nous ici à Longomaille, on a une radio, Radio Zanzine, et avec ça, on te fait un super feuilleton. J'ai dit, ah bon ? Et puis j'ai dit, bah, pourquoi pas ? Et puis du coup, comme ça donnait l'occasion de nous revoir régulièrement pendant des mois et des mois, pendant des mois et des mois, on a réalisé ce feuilleton radiophonique à Longomaille, avec le matériel là-bas, et l'ami Johannes qui s'est mis à la technique, qui a aussi appris en le faisant. Aucun de nous ne connaissait du tout cette technique-là. Et ce qui fait qu'on a découpé l'histoire d'Antoine en 20 épisodes, auxquels il n'avait absolument rien à retoucher, ni la ponctuation, ni le rythme. Il semblait que ce soit écrit pour être lu. Et un copain de là-bas, qui s'appelle Raph, a interprété le propos d'Antoine, qui est tout à la première personne. Et nous à côté, donc ça faisait un quart d'heure par épisode, et l'autre quart d'heure de l'épisode de feuilleton était rempli par des mises en contexte que nous avions réalisées. Et c'est comme ça qu'on avait commencé à étoffer le récit d'Antoine, à faire des recherches de qui parlait, de quelle situation il parlait, etc. Et chaque fois, on trouvait des choses pas possibles. Et à part des histoires de chrono, il s'est pas trompé sur tout ce qu'il a raconté, quoi. Il a pas fait d'interprétation hasardeuse. Il a vraiment raconté non seulement ce qu'il a vécu, mais ce qu'il a senti de ce moment-là, de cette expérience-là, et des choses extrêmement précieuses. Il a vraiment éclairé même des situations très peu connues. Notamment sur le front d'Aragon, hein, comme le savent ceux qui ont lu le bouquin. Enfin voilà, pour dire, c'était notre premier essai de recherche et de concrétisation autour de ce récit. Le feuilleton radiophonique a été diffusé pour la première fois à Radio Zinzine en 2005. Et après, là, il est parti dans toutes les radios francophones, en France, en Canada, en Belgique. On n'a plus suivi cette histoire-là, mais peut-être qu'il fait sa vie encore en ce moment, quelque part. Et il va renaître, là, dans l'édition de Libertalia, où ils ont repris notre livre, Les Fils de la Nuit, augmenté largement, ça fait 1000 pages, 2 volumes, dans un coffret, et avec le CD ajouté. Voilà. Pour la première étape des Jiménologues. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez contextualisé ce livre, mais finalement, c'est presque une espèce, ce que vous avez fait dans ce premier livre, Les Fils de la Nuit, Souvenirs d'Antoine Gimenez, c'est presque une espèce où Antoine Gimenez, finalement, c'est une approche de la guerre d'Espagne, de la Révolution espagnole, de la contre-révolution, de tous ces événements dont on a parlé, mais à travers une personne. Et c'est là où c'est assez, finalement. Et puis lui il avait déjà une connaissance quand même assez appréciable, disons, de la situation pour quelqu'un qui était pris dedans, disons. Et puis après, vous avez complété avec pas mal d'informations qu'on retrouve dans vos deux livres. Et du coup, c'est pour ça que avec l'émission qu'on est en train de réaliser actuellement, vous pourrez retrouver en ligne sur sortirducapitalisme.fr, et qui sera probablement diffusée en direct vers ces plages horaires-là la semaine prochaine. Alors peut-être à partir de 13h30, quelque chose comme ça. Vous pourrez retrouver, là pour le coup, une espèce d'histoire plus générale de la guerre d'Espagne, du communisme libertaire espagnol, jusque... Une genèse de ce concept. Voilà, la genèse de la rencontre entre l'anarchisme et l'Espagne. Voilà, c'est ça. Et puis la genèse de la révolution, la contre-révolution. Bon, presque. Voilà, de la fin du 19e siècle jusqu'en 1938. Voilà. Et donc du coup, vous avez réalisé dans votre premier ouvrage, Les Fils de la Nuit, un important appareil critique de notes. Vous avez rédigé une postface. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu quelles sont un petit peu ces recherches en quelques mots, même si vous les avez expliquées dans l'autre émission. Qu'est-ce que ça vous a fait comprendre sur la guerre d'Espagne que pas tout le monde ne sait, justement? Ben nous, on a appris énormément, quoi. Comme je dis souvent, on croyait connaître un peu cette histoire de la Révolution espagnole, mais là, on a appris énormément. C'est pour ça qu'on y a passé du temps, parce que non seulement en tirant les fils que nous tendait Antoine, on tombait sur des personnages, des situations, mais sur des questions de fond, hein, de ce qui s'est passé, les espoirs et les déceptions, les choses trappes que les révolutionnaires de cette époque-là auxquelles ils ont dû se confronter. Et là, Antoine, il dit bien, chaque fois il raconte, en plus lui, faut rappeler aussi que c'est un Italien, hein. Antoine Gimenez, c'est un faux nom qui s'est donné pour semer la police italienne qui le suivait en France et en Espagne. Lui, c'est Bruno Salvadori, c'est un volontaire italien qui était en France dans les années 30-35. D'ailleurs, on a retrouvé son dossier dans les nouveautés qu'on a mises dans le nouveau bouquin. Il y a son dossier trouvé aux archives de Fontainebleau, de Pierrefitte, les archives dites le fonds dit de Moscou, qui est revenu dans les années 90 et qui avait beaucoup d'archives de police françaises. Quand les Allemands ont occupé la France, ils les ont embarquées. Quand les Russes ont occupé Berlin, ils ont embarqué les archives des nazis et tout ce qu'ils avaient raflé dans l'Europe. Donc petit à petit, ce fonds d'archives est revenu en France et on redécouvre des dossiers de personnages que la police française avait fichés, etc. Donc on s'est dit, au fait, on regarde peut-être là-bas, c'est pas le dossier d'Antoine, et il y avait le dossier de Bruno Salvadori avant qu'il change de nom. Donc on a retrouvé un petit peu les éléments qu'on savait par sa famille, hein, où il se baladait un petit peu dans le pays, il faisait des petits coups, il se faisait souvent rattraper par la police, expulsé, il revenait, re-expulsé. Enfin, il a passé beaucoup de temps en prison, de 31 à 35, mais là on a le côté, on le savait par la famille, là on le sait pas. On a les détails par la police. Ouais, donc je rappelle que un des, comment dire, pour nous, ce qui était important de signaler dans ce travail, c'est l'importance des volontaires internationaux dans cette guerre d'Espagne, ceux qui ne sont pas passés par les brigades internationales. Tout ce mouvement spontané qui s'est produit entre fin juillet et octobre, novembre, décembre, qui n'est pas passé par le réseau des brigades internationales, c'est-à-dire donc par le réseau du Parti communiste, tous ces gens-là, ils sont venus de 50 pays, ça représentait vraiment quelque chose d'assez remarquable, quoi. Et c'est passé un peu à la trappe, hein, parce qu'on a parlé surtout des brigades internationales. Ouais. Donc là, c'est vraiment les volontaires, la plupart du temps anarchistes, qui rejoignent Barcelone le plus vite possible. Et donc, du coup, c'est tout ce monde-là qu'à travers Antoine, on a découvert, quoi. Par exemple, Antoine nous parlait tout le temps d'un Riedel qui était avec lui, et puis surtout dans le groupe international, la colonne de Rotti. Ça aussi, c'était pas connu. On connaissait la colonne de Rotti, tout le monde connaissait la colonne de Rotti, mais qu'il y ait des groupes internationaux avant les brigades internationales dans les colonnes anarchistes en Espagne, c'était vraiment très très peu connu. Donc ça représentait un nombre de gens non négligeables et une situation très particulière. Donc, par exemple, donc Antoine nous parle d'un Riedel. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce Riedel ? On ne connaît pas. Et puis, petit à petit, on réalise en compulsant de vieilles brochures, de vieux textes et tout. C'était Louis Mercier-Vega, par exemple. Et Louis Mercier-Vega, c'est un théoricien anarchiste fort connu. Mais lui-même avait tellement brouillé les pistes dans sa vie, il avait changé de nom. Chaque fois qu'il avait une intervention quelque part, il avait un nom nouveau. Après, il a un peu brouillé l'histoire de sa vie comme ça. Après, on a rencontré Phil Cazoar, qui fait un énorme travail sur l'histoire de Riedel en Espagne, puisque lui, c'était la période riedelienne qui l'intéressait de Louis Mercier-Vega. Il a d'ailleurs, toujours dans ses soutes, une grande BD sur le groupe international La Colonne de Rotti, en suivant le fil de Riedel, qu'il n'a toujours pas publié, parce que chaque fois il avait d'autres boulots entre temps. Et quand on s'est rencontrés, il nous a dit, oh là là, je vais devoir refaire des planches, parce qu'avec tout ce que vous avez trouvé, ça a bouleversé mon projet. Alors on a fait des rencontres pas possibles à travers ça, quoi. C'est ça aussi qui nous, on a, pendant un an, deux ans, c'était chaque fois des surprises, des rencontres, des trouvailles. Après, on s'est dit, on s'arrête parce que le bouquin, il va exploser. Il faisait déjà presque 600 pages. Ça a été vraiment un processus qu'il a fallu, à un moment donné, arrêter. Et arrêter pour publier Les Fils de la Nuit. Et après, on l'a continué, évidemment, entre-temps. Et du coup, les grandes découvertes Bon, évidemment, c'est déjà le récit que fait Antoine Jiménez de la Révolution espagnole. C'est évidemment pas celui qu'on trouve dans l'historiographie de la gauche en général, c'est-à-dire les fascistes contre les républicains. Mais là, pour le coup, c'est une histoire qui est interne au mouvement libertaire et en l'occurrence plutôt du coup des internationaux libertaires, donc ce qui est vraiment là pour le coup très rare, puisqu'il y a beaucoup de récits faits par des libertaires espagnols, mais par des libertaires internationaux il y en a très peu. Et du coup, c'est déjà un décalage par rapport à l'historiographie officielle, on va dire, de la guerre d'Espagne qu'on trouve à gauche encore aujourd'hui. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un mélange, je trouve, assez bien fait entre des histoires personnelles. C'est assez émouvant, c'est très beau, quoi. Ces aventures amoureuses, sexuelles, qui montrent aussi un autre côté que le combat, la politique, l'idéologie et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est parsemé aussi de réflexions théoriques qui sont évidemment pas des réflexions théoriques incroyables, mais qui sont des analyses pertinentes et qui montrent un peu l'état d'esprit des révolutionnaires de cette époque, les problèmes auxquels ils se sont confrontés, notamment le problème de la militarisation dont on a parlé un peu dans l'autre émission. Puisque évidemment Jiménez va s'opposer fermement à la militarisation des milices. Comme beaucoup de volontaires, les premiers volontaires, en plus, effectivement, ils étaient volontaires, donc ils pouvaient ne pas rester, si vous voulez. Ils n'étaient pas dans une armée. Hein. Dès que le creuset dans lequel ils se retrouvent s'appelle armée, avec une hiérarchie, une discipline et des galons, ils disent, mais on n'est pas venu pour ça. Nous, on est venu faire la révolution. La guerre, malheureusement, on nous l'impose. On est obligé de faire cette guerre, mais on est venu faire la révolution. Donc ils étaient en pleine phase avec un débat interne très très dur qui va commencer dès septembre 36 à l'intérieur des colonnes anarchistes, et pas que d'ailleurs, et ça va aussi sans doute poser aussi des problèmes dans le POUM, dans d'autres, et surtout il y avait d'autres compagnies internationales, groupes internationaux dans d'autres colonnes, hein, il n'y avait pas que chez les anars, hein. Au début, c'est aussi des sections à part. Donc ça va, c'est sûr que ça va être un premier tremblement de terre à l'intérieur du processus révolutionnaire en cours, quoi. Hein, comme on le dira dans l'émission suivante, il y a 3 décrets qui tombent de la généralité de Catalogne, puisque l'État n'est pas tombé après juillet. Il y a 3 décrets de la généralité de Catalogne qui commencent à contenir les collectivisations, qui veut installer la militarisation des milices, qui veut annuler le pouvoir des comités révolutionnaires, etc., etc. Donc il y a un processus qui commence dès fin septembre, octobre, ouvertement, qui bride tout l'élan révolutionnaire qui est engagé sur le front et à l'arrière. Donc n'oublions pas que le front, ce n'est qu'un moment de la révolution, un endroit de la révolution. Ce n'est pas un front militaire, c'est un endroit de la révolution. Puisque les gens au front, comme Antoine Gimenez raconte, ils vivaient dans les villages. Pina de Ebro, tous ces villages. Et ils vivaient dans ces villages, donc mélangés à ce qui se passait. Comme il dit lui-même, quand on n'avait rien à faire, quand il n'y avait pas de tension sur le front, on allait cueillir le safran, on allait aider aux récoltes. Et puis ils vivaient chez les gens. Lui-même, il raconte sa super rencontre qu'il a faite avec cette famille, Valero Labarta, à Pina de Ebro, qu'on a retrouvée après grâce à une petite cassette audio que la famille avait gardée et retrouvée miraculeusement quand on faisait ses recherches. On a pu identifier le nom de la famille chez qui il logeait. Et cette famille, on l'a retrouvée. Et on l'a retrouvé, ils nous ont accueillis à bras ouverts, et ça a été encore quelque chose d'assez incroyable. Et donc on a mis tout ce qu'on avait évoqué avec eux dans le bouquin. Et après le livre, parce que on a traîné tellement à faire cette édition, ce feuilleton radiophonique, qu'il y a des copains en Espagne qui ont publié le récit d'Antoine en espagnol, Les Pépites de Calabaza, en 2005, avant notre bouquin en France. Et puis après, ils ont publié une deuxième édition augmentée de notre appareil de notes en 2009. Donc on a fait une petite tournée en Espagne en 2009 et on est allé à certains endroits d'Espagne, enfin Barcelone, etc. évidemment. Puis on est allé, on s'est dit on va faire un truc à Pina de Ebro. Ça va être un peu une première, on va voir ce que ça donne. Et là c'était quelque chose de fantastique, quoi. On est tombé dans un village qui connaissait déjà nos travaux, ils avaient lu tout ça, ils étaient tous la famille, une partie de la famille Valero Labarta était toujours à Pina de Ebro, une autre partie est venue de Saragosse, on s'est retrouvés là-bas, et puis tout le village, enfin une bonne partie du village, en tout cas la salle de fête était pleine, on s'est retrouvés à une centaine de personnes à raconter en espagnol comme on peut, à raconter ce qu'il y avait dans le bouquin. Et une salle, mais c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, une salle très attentive, des gens qui intervenaient, des gens qui racontaient, vraiment qui revivaient des moments de l'entrée de la colonne de Ruti, de ce qui s'est passé et puis tout le monde parlait assez librement. Il y en a qui étaient même contre, qui étaient critiques, d'autres qui étaient, voilà, c'était vraiment deux heures comme ça à Pina de Ebro, on était un peu secoués, quoi. On l'a fait aussi à Huesca où il y avait aussi beaucoup de monde, on a fait une séance comme ça à Huesca, enfin pour dire, je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs avant, oui, qu'on parlait le front était aussi un moment de la révolution, quoi. C'était le front, c'était les villages d'Aragon, et c'était le communisme libertaire qui se mettait en route, quoi. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Donc Antoine témoigne aussi de ça, évidemment. Ouais, c'est ça qui est justement très intéressant dans le récit d'Antoine dans Les Fils de la Nuit. C'est à la fois il y a une description, même si c'est assez rapide, de ce qui se passe à Barcelone. Et puisque bon, lui, c'est un petit, il me semble me souvenir que le récit commence plus ou moins à Barcelone. À Lérida. À Lérida, ouais. Parce qu'il se trouve à Lérida quand il y a le coup d'État qui commence. Et du coup, à un moment, il va à Barcelone ou... Après, oui. Ah ben non, il va au front. Il va à Barcelone en permission. Ah oui, c'est ça. Mais d'abord, il est à Lérida, il suit des anars et il se retrouve dans le groupe international de la colonne de Ruti avec 2-3 Français. Il y avait Riedel, Carpentier et peut-être déjà Berthomieux. Le noyau du futur groupe international était en train de se mettre en place. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois les processus révolutionnaires qui se passent, disons, en Catalogne, notamment à Barcelone, qui sont d'une autre nature que ce qui se passe sur le front, où là, l'enjeu, c'est la militarisation, contrer la militarisation, alors qu'à Barcelone, c'est les usines qui sont pas socialisées mais qui sont plutôt nationalisées. En voie de nationalisation, pour dire les choses comme elles sont. C'est ça. Sous contrôle ouvrier, sous contrôle des syndicats, mais n'empêche qu'ils sont dépendants de l'État pour les finances, les commandes et les décrets qui canalisent ces collectivisations. Et ils fonctionnent toujours comme des usines capitalistes, le salariat est maintenu. Le salariat n'est pas du tout aboli, pas une seconde. Et puis ils parlent aussi, et ça c'est quelque chose qui est absent d'autres ouvrages. Bon, je sais pas si je devrais mettre sur le même plan le récit de George Orwell, Hommage à la Catalogne, mais en tout cas dans le récit de Orwell, il y a pas du tout, enfin les communes d'Aragon sont vraiment pas du tout évoquées, alors que ce qui est intéressant justement chez Antoine Gimenez, c'est que il explore aussi cet aspect de la guerre d'Espagne qui est finalement pas si bien connu que ça et qui est très intéressant, et du coup dont vous parlez plus dans votre deuxième ouvrage. Mais c'est vrai que déjà dans Les Fils de la Nuit, il y a une note. Oui, il y a un aperçu, on a essayé d'évoquer un peu tout ce dont Antoine, tout ce que lui avait remarqué et signalé, on a essayé de le développer, mais bon, comme je te disais, le bouquin après il allait exploser, donc on s'est arrêté là. Et dans le second, en fait, le second bouquin récupère tout ce qu'on a fait entre temps, quoi, d'une manière ou d'une autre. Mais pour revenir aux nouveautés qu'il y aura dans Les Fils de la Nuit, et surtout le journal de Mimos, hein, parce que pour ceux qui en connaissent notre livre, il s'agit d'une des infirmières du groupe international, une française, qui s'appelait Georgette Kokosinski, et qui est morte tragiquement dans une des batailles que rencontre Antoine. Et Diego Camacho, Abel Paz, comme nom de plume pour ceux qui connaissent, nous avait dit qu'on l'avait rencontré à Barcelone. Ah, Mimos, ah, Mimos, ah, je me rappelle quand j'étais aux archives d'Amsterdam, j'avais vu un dossier, ça s'appelait Journal des Mimos. Et après, je ne l'ai plus retrouvé. Il faudrait que vous le retrouviez un jour, ça serait bien. Et une des relations qu'on s'est faites dans toutes nos recherches, un historien de Tours qui s'appelle Édouard Sill, était sur la piste, et il a fini par le trouver et il nous l'a fait passer, et donc on l'a mis dans la nouvelle édition des Fils de la Nuit. Et alors ce journal là, c'est trop, très très troublant, parce qu'on sent que c'est une personne, et on a vu plusieurs personnes comme ça arriver en Espagne très fragilisée, elle raconte elle-même, elle va là peut-être pour se perdre, quoi. Des gens qui sont dans un état très très douloureux et qui vont en Espagne peut-être pour trouver un peu de goût à la vie. Alors ce journal, bon, je vous raconte pas, faut le lire, hein, on l'a mis en annexe à la fin du livre. C'est étonnant, c'est très très émouvant, très troublant, quoi. Quelqu'un de vraiment en souffrance qui vient là et qui veut se perdre, et en même temps qui a pas envie de mourir. On voit qu'elle a pas envie de, comme ça finalement, de quand elle se rend compte qu'elle va aller sur le front, elle va y arriver. Elle dit oh là là, finalement ça me remue, quoi. Enfin, je vous laisse, on vous laissera lire ça. C'est quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien justement avec les Fils de la Nuit. C'est, tout à l'heure j'avais dit une histoire subjective, mais en fait c'est aussi une histoire sensible de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire ce que les gens pouvaient ressentir. Et ça c'est intéressant, et puis ça manque parfois dans pas mal de d'ouvrages d'analyse, même du côté anarchiste ou libertaire, où l'emphase est plus mise sur les idées, tout ça. Et c'est vrai que c'est aussi agréable, alors peut-être pas que ça sur 500 pages, ça serait peut-être un peu lourd, mais on est vraiment en contact, quoi. On est vraiment en contact de situation grâce à ces personnes-là, la façon dont elles racontent tout ça, ou leur famille. Parce que là aussi, on a été contacté par exemple par le neveu d'une milicienne qui était un Français, une Française, qui était partie, dont la famille savait qu'elle était partie sur le front d'Aragon, qu'elle était dans la colonne de Routy. Ils ont reçu des cartes postales d'elle avec son compagnon. Et elle s'appelait Suzanne Hans. Et Louis Recoule, c'était des anarchistes du 13e arrondissement de Paris. Et ils sont morts, comme Mimosa et d'autres, quasiment un mois après leur arrivée au front. Ils sont arrivés en septembre, ils sont morts à la bataille de Perdiguera le 16 octobre 1936. Et là, pareil, on avait le nom de cette fille, le nom de ce mec. On n'en sait pas grand-chose de plus. Et puis voilà que le neveu... Jean Boyon nous contacte en 2008 et il nous dit, voilà, ma grand-mère a jamais su exactement ce qui s'est passé, comment ils sont morts, où on a reçu une carte postale et après on nous a dit, ben ils sont morts. Et elle lui a dit, un jour, essaye-toi de... Parce que c'est... ils ont été recueillis par les grands-parents, il a été recueilli par les grands-parents et il a... Et il dit, essaye-toi de retrouver un jour, vas-y, retrouve quelque chose, trace d'elle, qu'on sache un jour. Et là, comme lui était déjà bien, bien âgé, un peu malade, il a lu notre livre et il s'est dit, oulala, il faut que je les contacte. Il nous a contactés et on lui a dit, écoute, on va faire en sorte de trouver trace d'elle. Et alors là, c'est encore une histoire de fou, quoi. On part en Aragon avec lui, en 2009. On discute avec des gens à Farlet et Perdiguera. On essaie de retrouver des témoins ou des fils d'eux, témoins de cette histoire, de ce qui s'est passé, etc. Et à Perdiguera, on rencontre des gens qui sont devenus des amis, très intéressés par cette histoire et très troublés de voir qu'un familier de volontaire international vient sur place pour essayer de retrouver trace d'eux. Et finalement, un an après, ils nous appellent, ils nous disent, venez, on a rencontré quelqu'un qui pourra peut-être vous raconter des choses intéressantes. Et on tombe sur un mec qui avait 7-8 ans en 36, qui était à Perdiguera, donc un village qui était côté franquiste, qui est toujours resté. Et il était tout le temps avec les militaires et la garnison, à suivre tout ce qui se passait, et en plus à manger grâce à eux. Et il dit qu'un jour, à la fameuse bataille des Perdiguera, ils ont vu deux filles, deux miliciennes parader dans tout le village par les franquistes et les morts. Deux miliciennes, parce qu'elles avaient le harnachement des miliciens, avec tout le on voyait que c'était pas les infirmières, quoi, hein, parce qu'on se dit, c'est Mimosa et Auguste, les deux infirmières, et ben non, elles étaient... Et puis ces deux nanas, ils les ont amenées dans une cour et j'ai regardé tout, parce que nous les gosses, on s'en fusillait partout et on regardait tout, et je les ai vues, ils ont fusillé cette fille, quoi. Et on lui a dit, tu pourrais la décrire, parce qu'en plus, on nous a dit, souvent les souvenirs d'enfants sont très très précis, ils sont marqués par des choses qu'ils ont vues, et ils retiennent beaucoup d'éléments. Et effectivement, il dit, je m'en souviens encore comme si c'était hier, quoi. Je me souviens de sa tête, de son visage, de sa physionomie, de son comportement. Elle était très courageuse. Elle a pas fléchi. Et je lui dis, bah, écoute, je vais te montrer des photos de ces volontaires qu'on a, mais on n'en a que deux, Mimosa et Suzanne. Mais j'ai pas dit non. J'ai dit que je vais te montrer des photos, mais j'y croyais pas, quoi. Je montre la photo de Mimosa. Il dit non, ça m'a dit rien du tout. Puis je lui montre la photo de Suzanne Hans. Oh, il commence à rester en arrêt devant, il réfléchit et tout, et il me dit, bah écoute, c'est elle. Ouais. Donc voilà, normalement, officiellement, elle était morte à la bataille de Farlet, 15 jours avant, dans d'autres conditions. Et là, voilà, on tombe sur un témoignage comme ça, c'est dingue, quoi. Pour nous, ouais. C'est incroyable, quoi. Et donc, du coup, on a maintenant beaucoup de rapports avec les gens de Perdiguera qui nous informent de ce qu'ils trouvent. Et puis, bon, je raconterai une deuxième séquence après avec un autre volontaire, parce qu'on s'est aussi retrouvés là-bas encore une deuxième fois. Enfin, voilà, c'est des histoires. Là, nous, non seulement on fait des trouvailles, on fait des réflexions, on fait une analyse, mais là, on fait un peu une jonction entre des gens d'aujourd'hui ou des familiers, ou des gens qui ont à voir un peu avec cette histoire, et les gens de cette époque-là, et des gens encore en Espagne là, qui racontent des choses. C'est troublant tout ça, quoi. On a l'impression de passerelles incessantes et de trouvailles qui ne s'arrêteraient jamais, quoi. Même maintenant, de fait, il faut se rendre à l'évidence, les derniers témoins directs, c'est fini, hein. Ils ne sont plus là ou ils ne sont plus trop en état de nous parler. On va rentrer dans une autre période. Mais en tout cas, on a fait le deuxième bouquin parce qu'on a rencontré encore plein de gens. Voilà, c'est non seulement par rapport dans la foulée du premier, mais en plus, même sans le vouloir, des choses venaient à nous, ou des gens venaient nous voir, ou nous envoyaient des... Parce qu'il y a tout un réseau, voilà, la géminologie, c'est un réseau, hein. C'est un réseau de gens, d'historiens, d'historiens amateurs, de gens comme nous, de n'importe qui sont traversés par cette histoire et nous communiquent ou nous demandent des choses. Et alors là, c'est sans fin, quoi. C'est un peu sans fin. Et du coup, après une première pause musicale, on va discuter justement même si on en a déjà un tout petit peu parlé, des recherches immunologiques post la publication en 2006, la première publication de Des Fils de la Nuit, et qui ont abouti à la fois dans la deuxième édition publiée aux éditions Libertalia ce mois-ci, et dans un inédit à Saragossa ou al Charco, Aragon 1936-1938, récit de protagonistes libertaires qui paraît ce mois-ci aux éditions L'Insomniac. Voilà, donc pause musicale. Yacían ensangrentados, con el vientre abierto. Los intestinos salían por la herida abierta y se extendían por el suelo. Estaban desnudas y todavía vivían. Sus manos trataban de sostener sus intestinos. Augusta, mimosa. Alguien me apartó de la tronera. Era Cartagena, al cual vi apoyar su fusil en el hombro y escuché dos detonaciones. Era el final. Yo lloré y no era el único. Se marchaba, se se fueron quedando solos y entre salvas de metralla. Se fueron quedando solos y entre salvas de metralla. Vente pa'l río, levántate ya. Vente mi hermano, que llegue el alba. Vente Toñito y entre retamas, porque la muerte te tiene ganas. Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aux deux parutions d'Égyménologue, à Saragossa ou Al Charco aux éditions L'Insomniac, et Les Fils de la Nuit aux éditions Libertalia, avec Myrtille, une gyménologue qui nous a déjà pas mal parlé des Fils de la Nuit dans la première partie de cette émission et qui va maintenant nous parler alors d'abord de la chanson qu'on vient d'entendre et puis ensuite de ce nouveau cru des gyménologues à Saragossa ou Al Charco, Aragon 1936-1938, récit de protagoniste libertaire. Oui, alors la chanson, ça fait partie des surprises dû à la propagation de notre gyménologie. Il y a le beau-frère de notre ami de Marseille, Jackie, qui est musicien et qui en lisant le récit d'Antoine, a été très, très touché. Et il a conçu cette chanson qu'il appelle « Las riberas del Ebro », sur les rives de l'Ebre. Il a repris un peu le texte d'Antoine et il a rajouté quelques commentaires à lui. Et tout ça s'est paru dans son disque « De ida y vuelta ». C'est le Antonio Valdez Quartet. Et dans la scène qui est racontée, c'est la scène de la mort d'Augusta, des deux infirmières du groupe international, Augusta et Mimosa, telle que la raconte Antoine. Voilà, c'est une chanson hommage à ces deux jeunes femmes. Voilà. Faut dire aussi qu'il y a un mec qui s'appelle Fabrice Taponard qui a conçu une pièce de théâtre à partir de récits d'Antoine aussi, qu'il a montré un peu partout en France. Enfin voilà, il y a eu des trucs comme ça qui se sont créés. Voilà, la suite dans la foulée d'Antoine, beaucoup de monde s'est engouffré. Bah c'est super. Et du coup. Alors peut-être on est évidemment dans cette émission focalisé sur les deux livres, mais effectivement il y a aussi d'autres travaux que vous avez pas publiés dans ces deux ouvrages et qu'on trouve sur votre site gyménologue.org, qui est un site avec plein de pépites et notamment des articles, alors des recensions de livres, puis aussi des gros articles sur notamment de la lutte pour Barcelone à l'éloge du travail, qui a été aussi publié dans Sortir de l'économie numéro 4. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ces quelques articles que tu as publiés, enfin que vous avez publiés sur le site? Ben, toujours pareil. Donc entre deux livres, on va mettre sur le site tout ce qu'on trouve et puis voilà, au moins que ça serve un peu à tout le monde. Donc à la fois des choses, on signale des ouvrages qui sortent en Espagne, il en sort des quantités. Donc de temps en temps, on en signale quelques-uns pour les plus intéressants ou on traduit des extraits, etc. Des documents, mais des documents bruts. On a mis aussi la chanson, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent la réécouter. Des textes de fond, hein, comme celui que la revue Sortir de l'économie nous avait demandé. Un petit travail sur évoquer un peu le rapport qu'il pouvait y avoir entre dans les villages aragonais, par exemple, entre les communaux, la vie des pueblos et le régime communiste libertaire, pour voir s'il y avait des passerelles, on pouvait trouver là-dedans. Au départ, c'était ça l'idée. Puis du coup, je suis partie pour ma part, parce que c'est moi qui rédigeais cet article un gros gros travail dont on parlera dans l'émission suivante, où j'essaie de faire un peu la genèse de cette rencontre entre l'anarchisme en Espagne et des luttes, les luttes populaires très très dures, très très déterminées et très fortes dans les villes et dans les campagnes. Donc du coup, je me suis mise à voir un petit peu comment se manifestait l'anticapitalisme des anarchistes espagnols, ensuite, et puis ensuite des anarcho-syndicalistes espagnols, puisque le mouvement s'est organisé comme ça. Donc c'est un travail un peu de fond. Et le premier gros chapitre de cet article portait sur Barcelone. Et la suite, elle est finalement un peu dans le deuxième livre qu'on publie à Saragossa, puisque j'ai fait un gros article, un gros gros chapitre sur le communisme libertaire en Aragon. Voilà, donc c'est un peu la suite de... Enfin, c'est un travail de fond qu'on n'arrête pas, en fait, ça n'arrête jamais vraiment. D'autant plus qu'on, soit il y a de nouveaux livres qui sortent, soit on approfondit certaines questions. Nous-mêmes, on comprend mieux beaucoup de choses, hein, parce que, comme je disais, dans le feuilleton, on voit encore qu'on est, on tâtonne, on avance des choses, on tire des fils. Mais maintenant, on rédigerait plus la contextualisation du feuilleton comme on le ferait maintenant. Quoi. On a mûri, on a appris beaucoup de choses, et puis je pense qu'on a affiné pas mal de. On prend garde vraiment dans cette histoire-là d'Espagne à renouveler, à dépoussiérer. Pas tant que du côté des discours contre-révolutionnaires qui a voulu masquer cette révolution, mais aussi à l'intérieur du mouvement libertaire et du mouvement de la critique sociale, parce que c'est un peu iconographique la guerre d'Espagne, hein. C'est enthousiasmant, c'est beau, c'est forcément radical, mais c'est plus complexe que ça en a l'air, et on gagne à vraiment fouiller cette complexité. C'est pas, même si on met en évidence des ratés, des choses problématiques, c'est ça, faut pas hésiter, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme Antoine, on raconte tout et puis c'est tout. Chacun en tire ce qu'il a en tiré. Oui, et c'est ça la force des deux ouvrages. Et pour plus de détails, du coup, bon, à la fois on lira les deux ouvrages et puis aussi l'autre émission qu'on a faite ensemble où on raconte un peu cette histoire, où vous racontez cette histoire complexe de la Révolution espagnole. En plusieurs parties du coup, parce que l'émission était assez longue, mais du coup voilà, on l'a découpée en plusieurs parties un peu chronologiques et thématiques pour que peut-être pas noyer l'auditeur sous l'information. Mais c'est vrai que on invite vraiment les gens à la fois lire ces deux ouvrages, mais aussi à écouter l'émission soit en direct la semaine prochaine le mardi après 13h30, soit ensuite sur le site Sortir du capitalisme .fr, où elle sera mise en ligne cette semaine déjà, pour vraiment prendre la mesure de cette histoire complexe, moins tranchée peut-être que dans l'historiographie libertaire qu'on trouve ailleurs, mais en même temps sans évidemment sans que ce soit évidemment une, comme les communistes et la gauche a pu en produire, une disqualification d'expérience libertaire, mais au contraire en montrer parfois les contradictions, en montrer les avancées, mais parfois aussi les limites, et puis les différentes tendances, parce que c'est pas évidemment un récit, enfin c'est pas évidemment un mouvement unitaire, le mouvement libertaire pendant la Révolution et avant la Révolution, c'est des conflits entre différentes tendances, ces différents projets de société. Mais je crois que tu vas inviter bientôt Daniel Ayache, qui présentera son bouquin justement sur les groupements français face à la Révolution espagnole. Lui aussi raconte le trouble qui va aussi traverser les anarchistes français, les libertaires français, anarcho-syndicalistes français, qui suivent un peu ce qui se passe là-bas et qui, à un moment donné, sont aussi désarçonnés par une certaine tournure que prennent les événements, notamment quand la CNT rentre au gouvernement, etc. etc. Ils voient bien aussi les limites du mouvement et les limites volontaires. C'est pas que... Faut bien dire les choses comme elles sont. Il y a des choses qui... Ce n'est pas que la faute des staliniens ou des franquistes, que si certains processus révolutionnaires ont été freinés, voire... Voilà, bon, ça, pour ceux qui ont déjà lu Les Fils de la Nuit, ils savent déjà de quoi je parle. Et dans le deuxième bouquin, dans A Zaragoza o al Charco, je vais quand même expliquer vite fait pourquoi on a gardé cette expression espagnole. Parce que c'était une des... une des personnes que nous avons rencontrées au fil de nos présentations en France, dans nos tournées après 2006, notamment à Tours. C'était un ancien milicien de la colonne Ortiz qui s'appelle Emilio Marco, qui nous avait dit quand on était sur les parapets face à Belchite et au-delà, face à Saragosse, on se disait entre nous, pour se donner du courage, à Saragossa ou al Charco. Et on dit, tiens, c'est drôle cette expression. Et puis, finalement, lui, il n'avait pas plus que ça dans la tête. Il ne savait pas pourquoi cette expression était sortie, mais il la connaissait très bien. Et puis, il dit, et après, quand on était dans les camps de concentration en France, on s'est dit, ouais, ben voilà, on se disait ça, maintenant on est dans le Charco. Et Charco, ça veut dire quoi, du coup? Ça veut dire la mare. La petite mare d'eau. Et c'est pour ça que ça rend mieux en espagnol qu'en français. À Saragossa, el Charco, ça c'est pas mal. En français, ça fait moins. Et du coup, on était avec cette phrase, expression, sans trop savoir ce que ça voulait dire, d'où elle venait, quoi. Et puis c'est Thomas Ibáñez qui nous a raconté, lui qui est l'origine de, dans la famille d'origine de Saragosse, qui nous a raconté l'expression. C'est une historiette aragonaise, en fait. C'est l'histoire d'un mec qui chemine sur la route vers Saragosse, qui tombe sur un curé, comme ça arrivait souvent à l'époque, un curé en soutane, qui lui dit « Où tu vas, mon fils ?»« Eh ben, je vais à Saragossa. » Et l'autre lui répond « Ben, si Dieu le veut. » L'autre lui dit « Non, non, non, je vais à Saragossa, point. » Dieu, entendant cet outrage, transforme le mec en grenouille et le jette dans une mare, un charco, où il croupit en signe de punition, à titre de punition. Puis après, il lui redonne forme humaine et il lui redonne une deuxième chance. L'autre repart vers Saragossa parce que c'était quand même prévu. Il tombe encore sur un curé, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, et qui lui dit « Où tu vas, mon fils, à Saragossa ?»« Ou al charco. » Jamais, je dirais, si Dieu le veut. Pas question. Ça, alors, c'est exprimer l'anticléricalisme profond des Espagnols et l'entêtement profond des Aragonais. Donc, c'est une histoire, là, que sur le front, les mecs se lançaient, où on a aussi trouvé, d'ailleurs, que plusieurs libertaires qui écrivaient dans des petites revues, brochures ou articles de presse, signaient, un d'entre eux d'ailleurs, signé Uno del Charco. Ça veut dire un d'en bas, un de la mare, un de ceux que, voilà, qui résistent de cette manière-là, quoi. Donc voilà pourquoi on a pris ce titre-là. Mais sinon, ce bouquin, effectivement, est consacré essentiellement à ce qui s'est passé en Aragon. Et ce drame profond qu'a été la chute de Saragosse aux mains des militaires insurgés les 19, 20 et 21 juillet. Ça a été effectivement une catastrophe pour le mouvement libertaire. À Barcelone, ils venaient de remporter les combats le 20 juillet. Ils se disaient, ben, Saragosse ne peut pas tomber. C'est vraiment le deuxième bastion de l'anarchisme en Espagne. C'est tous les compagnons qui sont là-bas. C'est pas possible. Et de fait, à la suite d'une trahison du gouverneur militaire de Saragossa, qui avait juré ses grands dieux que jamais il participerait au coup d'État, et la faiblesse du gouverneur civil qui l'a cru, et la faiblesse des militants en pointe de Aragonais de Saragossa qui ont cru le gouverneur civil, total, ils se sont fait complètement embobiner. Et la grève générale qui a été déclarée à Saragosse le 19 juillet n'a servi à rien. Il y avait 30 000 militants anarchistes à Saragosse. Hein. Et la grève générale a commencé, mais les militaires insurgés se sont emparés du stock d'armes. Il y en avait. Et le stock d'armes que les anars ont demandé pendant des jours et des jours aux responsables, ils leur ont dit « Donnez-nous les armes, au moins qu'on se défende ». L'autre, les gouverneurs, aucun gouverneur évidemment ne leur a donné les armes. Donc ils se sont retrouvés très peu nombreux armés dans Saragosse à subir le coup d'État et en fait à être complètement submergés par la violence des militaires, quoi. Donc ça va être des semaines terribles à Saragosse, fin juillet, début août, où les militants se cachent, essaient de se battre, mais ils sont fusillés. Et c'est la traque qui commence. Il y a des navarrés, des wagons de navarrés qui arrivent à Saragossa et qui commencent la purge de cette ville, la purge de tout ce qui était militant, syndicaliste ou quoi que ce soit. Et c'est assez terrible, quoi. Et tout ça, On le sait un peu de l'intérieur, parce que dans une situation aussi un peu étonnante, la mère de Tomás Ibáñez, qui est militant libertaire de Barcelone, qui vient souvent en France, quand on a rencontré, la dernière fois qu'on a rencontré Tomás, c'était en 2009 ou 2010, je ne sais plus, il nous dit, je ne sais pas ce que ma mère en ce moment, qui était très âgée, plus de 90 ans, elle n'arrête pas de me parler de Saragosse et des derniers jours de juillet. Elle m'en avait jamais parlé jusque-là. Et nous, je lui dis, écoute, tu ferais l'intermédiaire, on lui poserait des questions, et toi tu... Et du coup, on a mis dans le bouquin ces échanges avec Petra Gracia, qui raconte comment les jeunesses libertaires ont vécu cet effondrement de Saragosse, et cette panique qui les a pris, et comment après ils ont espéré, ils attendaient que les colonnes anarchistes arrivent jusque-là. La colonne Drouty, la colonne Ortiz. Et puis comment elles sont pas arrivées. Donc tout le bouquin tourne autour de l'histoire de Saragosse de ce point de vue-là. Ensuite du point de vue de la colonne Ortiz qu'on a suivi très précisément grâce à nos amis miliciens qui nous ont raconté comment ils ont vécu ça, notamment Emilio Marco. Et ensuite le communisme libertaire pratiqué au sud au sud de l'Ebre, hein, là, parce qu'avec la colonne Drouty on était au nord de l'Ebre. Hein, la région de Pina de Ebro, Perdiguera. Et là, avec la colonne Ortiz, on est au sud de l'Ebre, face à Belchite. Donc, on raconte aussi comment ça se passe parmi ces miliciens, comment le rapport avec Ortiz, comment Antonio Ortiz va aussi se confronter aux staliniens, à la politique des staliniens de Barcelone, et va essayer de résister à la pression des staliniens, puis ensuite à la pression de la CNT qui en gros lui demande, vu que la militarisation est bien avancée, etc., de se laisser supplanter au niveau du commandement par le commandement communiste. Un des drames, des milices anarchistes, qu'on leur demande de se soumettre, qu'ils n'auront pas d'armes s'ils ne se soumettent pas, et qu'ils acceptent un commandement communiste, ou en tout cas une hiérarchisation, enfin tout le tout. Et Ortiz va résister un bon moment, à tel point qu'il sera très mal vu, et qu'il sera dessaisi de son propre commandement en septembre 37. Donc on raconte aussi beaucoup tout ça. C'est des aspects qu'on n'avait pas trop soulevés dans le premier livre. Et on raconte aussi comment les anars aragonais, qui lançaient le communisme libertaire dans les communes aragonaises, essayaient de s'entendre avec Ortiz et d'autres pour créer des groupes de guérilla et attaquer Saragosse sur un mode de guérilla. Et ça aussi, pareil, ils vont avoir tout le monde qui va se mettre en travers d'eux, en travers de ce projet. C'est l'opération Comuna Libre. On raconte ça aussi, parce que c'est pas connu, c'est assez intéressant de voir toutes les choses trappes que les militants libertaires vont trouver devant eux, tant sur le plan de la révolution sociale, que même sur le plan stratégique et militaire, pour aboutir à quelque chose sur ce front d'Aragon qui ne bouge pas pendant des mois et des mois. Avant le gros déferlement des divisions communistes qui commencent par d'abord par ravager les collectivités et ensuite buter en août-septembre 37 devant Saragosse, qui prendront pas plus avec tout l'armement qu'ils ont, les canons, les tanks, l'armement ultramoderne, et puis ils prendront pas Saragosse. Faut le savoir. Après avoir prétendu que les anars c'était des incapables, eux, on a même se demandé s'ils voulaient le prendre, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Il y a une grosse bataille en août-septembre 37 et qui n'aboutirait à rien du tout, sinon à faire crever des centaines de milliers d'hommes. Et du coup, c'est intéressant que tu soulèves cette histoire de guérilla, parce que je me souviens effectivement d'un historien anarchiste, je me souviens plus lequel, qui disait que en fait, c'était assez étrange qu'en Espagne, alors que ça aurait été quand même relativement adapté, que la tactique de la guérilla n'a jamais été utilisée, alors que ça aurait été peut-être, enfin qu'elle aurait été particulièrement efficace. Oui, ça a été beaucoup dit effectivement, et après coup, mais même pendant quoi, il y a eu plusieurs projets d'attaque guérillée là, mais soit qu'ils sont restés sur le papier, soit quand ils ont essayé d'être mis en pratique comme avec Ortiz et d'autres en Aragon, ça a été saboté, complètement saboté. Ouais, donc la guerre de tranchées a continué, et comme on le sait, en reculant tout le temps. Ouais. Et puis en plus, c'était, voilà, étant donné le rapport de force, c'était obligé effectivement qu'à un moment l'Espagne républicaine céderait, quoi, parce qu'elle n'avait pas la même puissance militaire. Bah, de fait, l'aide massive des Allemands, des Italiens. La non-intervention française, quand même à peine un peu. contournée au début, les premiers mois, mais essentiellement française et anglaise. La grande intervention, elle était vraiment appliquée de ce côté-là, du côté de la République. Et de l'autre côté, c'est un déferlement de troupes fraîches, chair à canon, avec les moros qu'a utilisé Franco, et de matériel et surtout le contrôle des airs, hein, l'aviation allemande et italienne contrôlait quasiment le ciel aragonais, quoi. Donc la disproportion en force militaire était criante, quoi. Mais du côté républicain, il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes. Et il y a eu beaucoup de morts. Oui. Et du coup le livre il est divisé dans une première partie, enfin après la préface, le prologue avec l'histoire de quatre protagonistes. Et puis ensuite c'est l'aperçu sur les conditions de la mise en route du projet communiste libertaire en Aragon. Donc ceux qui nous écoutent et ceux qui écouteront l'autre émission qu'on a fait, on leur recommande vraiment ce chapitre qui est passionnant, que j'ai eu la chance de lire un peu en avant-première il y a quelques mois et qui est vraiment passionnant. Et puis le dernier chapitre aussi qui est très intéressant sur la question de la violence révolutionnaire, qui s'appelle « Quelques approches de la question de la violence révolutionnaire », qui est très intéressant, qui est assez complet, et qu'on lira en plus non sans lien avec l'actualité, puisque la question de la violence révolutionnaire revient en ce moment. Et du coup, avant d'aller un petit peu plus loin dans l'émission, on va faire une petite pause musicale où on va écouter un des personnages qui est dans le bouquin. Voilà. Je m'en appelle à la Robou Dupont, là. J'étais pas tout seul. Et on a murmuré une chanson qu'on avait durant la guerre. Et on est parti. On est rentré. Tu te souviens de cette chanson? Oui. Roja y negra la bandera que pregona nuestra idea. La que nos dará certeza, fe y triunfo es la pelea. Vamos pronto, proletarios, a acabar con la injusticia. Anarquista, libertario, ideal del proletario. Tú no aceptas la injusticia. Tú nos das la libertad. Nuestra unión fuerte y potente en una vida futura, destruyendo los honores, permanecerá más pura, pero un rayo de esperanza que invadió los corazones, anarquista, libertario, ideal del proletario. Tú no aceptas la injusticia, tú nos das la libertad. Voilà, alors là c'était Emilio Marco Pérez, qui nous a quittés en 2013, une super rencontre qu'on a faite, un grand ami. Et il était enregistré par une copine qui s'appelle Malmo Gendre, qui a fait un film qui s'appelle A Posteriori, qui retrace l'histoire de deux miliciens qu'elle avait retrouvés au camp du Vernet lors d'une commémoration du camp du Vernet d'Ariège, où beaucoup d'Espagnols ont été concentrés. Et je lui avais indiqué qu'Emilio Marco, l'histoire d'Emilio Marco, elle l'a contacté, elle a fait un film avec lui sur son parcours d'exilé, depuis Bourg-Madame jusqu'à Saint-Pierre-les-Corps, près de Tours, où il habitait. Et nous, on l'avait rencontré justement à Tours en 2007, quand on avait fait une présentation. Il était au premier rang. Et il intervenait beaucoup dans notre, dans ce qu'on disait. En plus, chaque fois, il disait oui, ils ont bien vu les choses, ils ont bien raconté. Antoine Jiménez aussi. Et moi-même, j'étais un milicien de la colonne Ortiz. J'étais sur le front de Belchite. Et je peux vous dire que c'était vraiment comme ça. Ah, nous, on était complètement troublés. On se dit, oh, on pouvait pas rêver mieux. Et on est devenus amis, et puis quelques mois après, il nous a dit, vous voudriez pas qu'on se revoie, que je vous raconte mon histoire, et tout, qu'il faut qu'on... C'est bien qu'on parle de ce qu'on a fait là-bas, tout ce qu'on a tenté, nous, ça nous fait plaisir. Alors, il dit, mais écoute, top là. Donc on s'est vus plusieurs fois, on a enregistré, on a parlé. Lui aussi, c'est une mémoire orale extraordinaire, mais avec un luxe de détails incroyable, quoi. On a parlé vraiment pendant un temps infini. Notre copain est venu nous aider. Il a beaucoup parlé avec lui. Et total, voilà, son histoire, on l'a rassemblée là. Et puis voilà, bah, je laisserai la primeur de cette lecture aux amateurs. Et dans cette même salle, à Tours, il y avait une dame qui s'appelait Gracia Galvan. Et qui nous disait, moi, mon père, je salue les fils de la nuit, parce que moi, c'est des gens comme ça qui ont sorti mon père de Saragosse par des chemins de montagne et qui l'ont ramené du côté républicain et qui après, il a pu continuer sa vie jusqu'ici. Et son père, c'est Florentino Galvan, un membre du Conseil d'Aragon, un militant aragonais de Saragosse, qui était à Saragosse, toute sa famille était à Saragosse. Et lui, effectivement, il s'est planqué pendant la traque dans la ville, et puis il a pu être exfiltré par des commandos qui partaient des lignes républicaines et qui faisaient sortir. On raconte aussi pas mal ça dans Les Fils de la Nuit, là on donne d'autres détails sur ce processus. Donc voilà les deux personnes qui sont déjà un peu à l'origine de ce deuxième livre. Et Gracia Galvan nous a fourni un tas de documents sur son père et on a rédigé sa notice biographique qu'elle a vérifiée après coup. Après ça, c'était donc les deux premières rencontres. Et voilà, un jour, on se retrouve à Grenoble à une séance sur l'Espagne de historiens qui viennent présenter leur bouquin sur la guerre d'Espagne. Et dans la salle, il y avait quelqu'un qui réagissait à nos interventions et nous, on entendait les siennes. On s'est dit, disons, ça, c'est un anarque. Il y a un anarque dans la salle. Et on est allé le voir et on s'est salué. Et un petit bonhomme avec des béquilles parce qu'il y avait des problèmes. Il a des jambes, il était amputé des jambes. Et on lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, moi, c'est Elios Peñalver. Et je lui dis, oh, t'as quand même rien à voir avec le Peñalver qui a mené une colonne anarchiste sur le front d'Aragon. Comme ça, presque par réflexe. Il dit, si, c'était mon père, bien sûr. Et je dis, bon, je crois qu'on va se revoir, parce que c'était vraiment un militant. Il y a Carmel Paz qui en parle dans son bouquin, d'un Peñalver qui a mené, qui s'est retrouvé sur le front de Belchite. Et c'est vraiment un mec pas connu, quoi. Il a mené une ceinturie. Et cette ceinturie Peñalver, en fait, quand on en a parlé à Emmy, il m'a dit, mais c'était mon ceinturion. Juan Peñalver, c'était le mec qui menait la ceinturie où j'étais moi, dans la colonne Ortiz. Donc voilà, coïncidence encore, on s'est dit, mais c'est quand même extraordinaire, quoi, de tomber sur. Donc on les a mis en relation, Elios Peñalver, le fils, et Emilio Marco. Et Elios s'est dit, mais du coup, moi aussi, je vais raconter l'histoire de mon père, mais je vais le faire moi. Et il s'est mis à rédiger tout ça. Donc voilà, le troisième personnage qui apparaît dans ce bouquin. Et le pauvre Elios est tombé malade et nous a quittés en fin 2013. On est très, très triste que lui n'ait pas pu voir ce bouquin, mais il savait qu'il était déjà à peu près fini, qu'il allait être publié dans pas longtemps. Après la grosse, grosse surprise du chef quand même dans toute notre histoire, c'est que c'est en 2008, on reçoit un mail d'Espagne. Un mec qui s'appelle César Bennett qui nous dit, voilà, mon père m'a demandé de vous écrire. Isidro Bennett. Il a 93 ans. Il était dans le groupe international de la colonne Doruti. Il a lu l'histoire d'Antoine Jiménez. Si ça vous intéresse, vous prenez contact avec lui. Il a bien lu le bouquin, il trouve ça très bien, il aurait des choses à rajouter. Alors évidemment, ça fait comme un choc. C'est incroyable, quoi. On le contacte tout de suite par téléphone, le mec sympa, vraiment un mec jovial, sympathique, délicat. Et ouais, moi, le récit d'Antoine, mais c'est extraordinaire. Il raconte toutes les batailles où j'étais. Assietamo, Perdiguera, Farlete. Au même endroit du front, dans la même situation. Il dit, mais je peux compléter ce qu'il dit, parce qu'on n'est pas toujours au même endroit. Et puis voilà, c'est devenu encore une... On a tout arrêté, tout ce qu'on faisait à ce moment-là. On dit, en plus, il a 93 ans, il est prioritaire, il va passer avant tout le monde. On va faire un truc avec lui. Et ce rapport s'est enrichi donc, par coup de fil, par mail. Il a même créé une adresse internet pour pouvoir communiquer par mail avec nous. Et du coup, on a raconté son histoire. Et chaque fois que je lui envoyais tout ce que j'avais rédigé, lui, il me corrigeait très sérieusement, très précisément. On a fait plusieurs allées-venues comme ça. Et après, on s'est dit, on pourrait se rencontrer en Espagne. Et on s'est retrouvés à Perdiguera en 2010. Sa famille l'a amené avec lui, sa femme, son fils. Et nous, on s'est transportés à Perdiguera et tous les gens là-bas nous attendaient, tout un groupe de gens de Perdiguera dont j'ai parlé tout à l'heure. Très, très content, très ému de voir venir un ancien milicien qui s'était battu à cet endroit-là. Et on a reconstitué l'histoire de cette bataille de Perdiguera avec le groupe international. Et il est apparu que Isidro Benet était arrivé avec un groupe dans un endroit du village de Perdiguera, pour ceux qui connaissent cette histoire tragique. Et il n'était pas au même endroit que le groupe international d'Antoine Jiménez. Donc lui, eux, ils ont pu remonter dans la montagne avant le gros assaut des morts sur la fameuse grange où se retrouvait le groupe international qui a été à peu près décimé à ce moment-là. Eux ont pu remonter par une autre traverse. Donc voilà, on a eu un témoignage comme on ne pouvait pas imaginer sur cette histoire-là, cette histoire d'Antoine qui a été complétée et enrichie. Et après, il nous a raconté alors toute son histoire à lui, de jeune, très jeune, très, très jeune volontaire sur le front d'Aragon. Parce que du coup, il avait quel âge ? Bon, il avait 18 ans. Emilio Marco, il avait 15 ans et demi quand il s'est engagé, lui, dans la. Il a vu un camion passer dans son village catalan, Falset. Et le camion partait au front d'Aragon et sans rien dire à personne, pof, il est monté, il s'est retrouvé là-bas, au front. D'accord, c'est pour ça qu'il y avait encore dans les années 2000, jusqu'à récemment, des survivants pour vous donner leur témoignage. Parce que nous, c'est vrai on imaginait, ça... même en 2006, déjà, on n'imaginait pas ça. Et ça a duré jusqu'en 2010, 2011. Ouais. Bon, ils sont tous morts, hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Sauf Ingracia Galván, la fille qui est là, la fille de Florentino, qui est toujours là, qu'on va voir demain, à qui on va amener le livre. Mais Isidro Benet, il est mort aussi. Et puis bon, la dernière petite touche, ça a été Antoine Valigna, qui, avec des copains de Clermont, qui sont devenus des fervents géminologues, avait notre livre en main, Les Fils de la Nuit, sans nous connaître. Et quand ils l'ont lu sérieusement, ils se sont rendus compte que ça parlait de personnages, notamment de militants de groupes d'action de la CNT-FAI, dont le père d'Antoine parlait beaucoup, parce que c'était un Barcelonais, et il avait participé à ces groupes d'action à Barcelone juste avant 36 et après. Et quand il réalise que ça corrobore tout ce que son père lui avait raconté, il prend contact avec nous. Et on a raconté l'histoire du père à la fin du livre, dans le chapitre sur la violence révolutionnaire. Parce que là, on illustre les actions de ces groupes-là dans Barcelone avant la guerre et pendant la guerre. Donc, le père d'Antoine... Valigna participait à ces groupes qui soutenaient les grèves à Barcelone, hein, quand il y avait des grèves où les patrons résistaient ou faisaient venir des jaunes, etc. Il y avait des groupes d'action qui venaient faire du sabotage, si c'était du tramway, ils venaient saboter les tramways, si c'était des patrons qui voulaient trop récalcitrants, qui voulaient pas réembaucher des gens qu'ils avaient virés, ils allaient intimider le patron avec une arme à la main, voire poser des bombes par-ci par-là pour faire sauter des entrepôts, des biens, des propriétaires, des patrons. Donc là, c'est raconté en direct. Et ça, c'est extrêmement précieux, parce que ces histoires-là, là, les anards ne la racontaient jamais. Hein. Ça, il faut vraiment être un peu du sérail pour qu'ils acceptent de faire confiance et de raconter tout ça. Le père d'Antoine, il racontait ça à son fils un jour, et l'autre, son fils lui dit, écoute, on peut enregistrer si tu veux. C'était en 76. Pour enregistrer ce que tu me dis. Il dit oui, mais on ne mettra pas les noms, hein, parce qu'on s'était juré que jamais on donnerait les noms des militants. Mais l'autre lui dit, écoute, c'est fini là, maintenant, tu vois, il y a prescription, hein, ça ne resterait plus rien. Donc c'est comme ça qu'il a eu les noms de militants engagés là-dedans, et notamment dans une affaire qui est très connue à Barcelone, mais moins en France, c'est l'assassinat du chef de la police de Barcelone au printemps 36. Ça, c'est une histoire qui a encore des retentissements aujourd'hui, hein, qui a encore rappelé aujourd'hui justement pour taxer les anarchistes de criminels. C'est le chef de la police de Barcelone qui pendant des années a mené une guerre implacable contre les anarchistes à Barcelone. Il y avait le commissariat de Barcelone était connu pour la cruauté des traitements qui leur étaient infligés. Sans parler de la ley des fugas, la loi de fuite qui faisait qu'on tuait les militants dans le dos en prétendant qu'ils avaient fui. Enfin, il y avait vraiment une empoignade très très forte entre la police barcelonaise et de la Généralité de Catalogne et les anarchistes dans les années 30. Et jusqu'au point où une équipe s'est décidée pour descendre ce flic, ce super flic. Et c'est ce qu'ils ont fait. En avril 36. Donc, le père d'Antoine Valigna était dans l'équipe qui a fait cette. Donc, on raconte cette histoire-là, là, vraiment du dedans. Et c'est aussi un document assez exceptionnel. Et du coup, je me disais quand même qu'il fallait qu'on en parle un petit peu de. Alors, peut-être pas. Bon, pas trop répéter ce qu'on a déjà dit dans l'autre émission, mais quand même sur la question de la violence révolutionnaire. Enfin, du coup, on parle voilà des assassinats ciblés. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y a eu, enfin, déjà qu'il fallait resituer tout ça dans un contexte de conflits sociaux très violent, particulièrement violent, de conflits sociaux très violents déjà avant la guerre et même en dehors de la répression des Asturies de la révolte des Asturies en 1934 et même pendant la République. Les conflits sont extrêmement violents. Il y a vous racontez que même les curés prennent les armes. Oui, des assassinats ciblés des deux côtés, quoi. Voilà, il y a aussi, j'imagine, des milices patronales qui Somaten, notamment en Catalogne, la fameuse milice patronale du Somaten qui faisait beaucoup de dégâts. Et puis aussi la Guardia Civile, tout simplement. N'en parlons pas, c'est criminels nés, mais vraiment, eux, c'est vraiment des gens posés là, partout dans les villages ou dans les quartiers des villes, pour surveiller tout, empoisonner l'existence de tous les gens, quoi. C'était vraiment, ils étaient haïs, profondément haïs, quoi. Et du coup, ce qui peut expliquer que... Il n'y a pas de quartier. Voilà, qu'il n'y ait pas de quartier. Et que du coup... dans les endroits où la révolution en juillet 1936 a triomphé, enfin bon, disons que les forces fascistes ont été provisoirement vaincues, il y a eu un certain nombre de vengeances, des violences à chaud, voilà. Importantes. Mais qui sont expliquées par toutes les années où évidemment la violence elle est des deux côtés, mais la force est disproportionnée puisque on se doute bien que les milices patronales et la Guardia Civile ont légèrement plus de moyens que les anarchistes dans leur Oui, là on assiste voilà, d'une part on veut attribuer et mettre sur le dos des anarchistes toute cette violence, ce mouvement de violence à chaud. Ça c'est déjà un problème parce que tout le monde y a participé, hein, autant dans tous les partis de gauche, tous les syndicats aussi. Tout le monde avait ses groupes armés, tout le monde a participé aux représailles personnelles ou collectives, tout le monde a participé aux expropriations et à tout ce qui a suivi, mais vraiment tout le monde. Donc dire d'abord cibler que les anarchistes là-dedans, c'est n'importe quoi, c'est intentionnel, je veux dire, c'est intentionnel et c'est idéologique. On veut criminaliser ce mouvement-là de cette manière-là, par exemple. Ensuite, les règlements de compte qui vont se produire, par exemple à Barcelone, où il y a 8300 et quelques victimes pour toute la guerre, dont 2500 religieux. Effectivement, ce qui a frappé, c'est l'importance de la vengeance contre tout ce qui portait sous tête, qui représentait la religion et l'Église catholique. Et ça aussi, il ne faut pas oublier, comme je le dis dans l'émission qu'on entendra la semaine prochaine, il y avait un profond anticléricalisme en Espagne, même avant les anarchistes. Ça ne date pas des anarchistes. Et qui était motivé justement par une église extrêmement réactionnaire et des curés. Et puis par une omniprésence de l'église dans tous les aspects de la vie des gens. Dans les villages, c'était celui qui n'allait pas à la messe était déjà vu comme un bandit. On était contrôlé de mille et une manières par l'éducation, par le comportement. L'église était omniprésente et empoisonner la vie aussi de beaucoup de gens. Et il y avait une haine assez profonde, assez profondément répandue, notamment à Barcelone. Elle s'exprime plusieurs fois. Les grandes journées des émeutes de 1909 à Barcelone, c'est des couvents qui brûlent avant toute chose. Visuellement, c'est ça, quoi. Et c'est une révolte populaire contre l'envoi des jeunes conscrits dans la guerre du Rif. Hein. C'est un soulèvement contre ça. Mais c'est un soulèvement qui brûle les couvents. Automatiquement, tout s'ensuit. L'antimilitarisme, l'anticléricalisme, l'antiétatisme sont liés et sont profonds. Parce que c'est des forces qui sont liées, voilà. Effectivement. Et voilà. On le voit dans l'alliance franquiste. Voilà. Il faut effectivement, si une certaine historiographie a pu s'indigner de tous ces pauvres curés, de ces pauvres bonnes sœurs qui avaient été tuées, il faut effectivement rappeler que les bonnes sœurs pas beaucoup, hein. Oui, puis les bonnes sœurs en plus pas beaucoup. Pas beaucoup de bonnes sœurs. Évidemment les chiffres ont été grossis, tout ça. Bah oui, après il y a la fameuse ce qu'on appelle la causa generale, le régime franquiste une fois bien installé, s'est dit on va montrer contre quoi on a lutté, les criminels qu'on avait en face. Donc ils ont voulu faire une sorte, juridiquement parlant, passer dans toutes les communes de toute l'Espagne, rurale ou urbaine, et inventorier les meurtres des rouges, des rojos, los desmanes, les meurtres et les dégâts commis par les rouges. Hein, donc ils ont fait une sorte de, avec des témoignages extorqués comme ci comme ça, des attributions de mort à eux plutôt qu'à un autre, etc. Ils sont arrivés à un chiffre de 80 000. Ils ont dressé ça sur des années. Hein, ça a duré jusque dans les années 50. Hein. Ils ont voulu chiffrer les dégâts commis par les rouges. Bon, ces chiffres-là, maintenant, tous ces travaux-là ont été repris par des historiens un peu plus sérieux, qui sont en train ils en sont à 50 000, par exemple, pour donner une idée, le nombre des morts dus à des exécutions, ou en tout cas à des faits de guerre, sans parler des fronts, hein, du côté républicain. Donc le chiffre, plus les historiens avancent dans cette histoire-là, plus ils baissent les chiffres des franquistes et plus ils augmentent le chiffre des exécutions de l'autre côté. Et de l'autre côté, du coup, pour donner un ordre d'idée, c'est quoi le nombre des exécutés? Là, on a 150 000 pour toute la guerre et les années qui ont suivi, je crois. On décrit tout ça précisément voilà, dans le bouquin. Voilà, donc 1 sur 3. Là, ça augmente, ça n'arrête pas d'augmenter, quoi. Et surtout que les recherches et évaluations ne sont pas terminées. Et surtout que sur les 50 000, sachant que tu le rappelais dans les autres émissions, il y a quand même dans beaucoup d'endroits où les curés, par exemple, ont pu être protégés parce qu'ils n'étaient pas si dégueulasses que ça, parce que le notable n'était pas jugé pas si dégueulasse oui, que ça. Alors, dans le deuxième cran, on veut attribuer aux anarchistes une violence qui a eu cours d'abord de tous les partis engagés dans le processus, en tout cas contre le coup d'État. Et deuxièmement, nous aussi on s'est amusé dans les villages qu'on connaissait, bon, on avait beaucoup d'éléments ou des gens qui ont travaillé dessus, etc. On s'est dit tiens, on va regarder un peu comment ça se passe là. La causa generale a dit tant de tués, qui sont les tueurs, tel anarch, tel nom, etc. Bon, ben on va regarder de plus près. Et bien, on tombe sur des situations où on voit en fait que des tués, par exemple à Caspe, une grosse ville d'Aragon, où il y a eu des combats très très durs en juillet, hein, fin juillet, pour la prise de la ville. Il y a eu beaucoup de morts de part et d'autre, mais il y a eu des combats très très durs. Et là, la causa generale, elle met comme tués par les républicains des gens qui sont morts au combat, c'est-à-dire des gens qui faisaient un coup d'État. Par exemple, le vieux, bah tiens, c'est tué là, crac, c'est quoi? Bah, c'est des mecs qui sont battus dans les journées de juillet à Caspe. C'est pas des gens exécutés par les afro-anarchistes. C'est des gens qui ont fait un coup d'État contre la République et qui sont morts là. Par exemple, on a fait 2-3 tests comme ça, on dit, bah tiens, voilà, comment on gonfle des chiffres de la Conseil générale. Et gonfler des chiffres, et en plus, il faut pas oublier que sur les représailles, ces représailles, elles viennent de rapports sociaux qui sont particulièrement crus en Espagne, où l'Église fait partie est en alliance avec les classes propriétaires. Et c'est des gens auxquels ils sont confrontés journellement, c'est des gens en chair et os, c'est des rapports d'homme à homme très très prégnants. Par exemple aussi de ce que je disais dans le très violent avec très les ouvriers agricoles qui sont exploités. Et puis on peut nommer celui qui vraiment t'empoisonne l'existence. C'est le patron là, le contremaître là, le cacique à la campagne. Tous ces gens-là qui n'ont pas des guerpilles, là c'est sûr, ils sont liquidés. Il faut dire le mot. Les caciques à la campagne, tout repose sur lui. Tout l'équilibre, l'ordre social repose sur lui. C'est lui qui doit manier la trique, c'est lui qui doit manier le chantage au chômage, c'est lui qui doit être, c'est le commis du patron ou du propriétaire. C'est lui qui est concrètement le représentant de cet état social-là. Donc, lui, s'il n'a pas filé à Saragosse, du côté aragonais, là, il y passe directement. Oui, parce qu'il personnifie la violence des rapports sociaux. Et puis surtout, lui, il a fait un rempart de son corps pour c'est vraiment l'archétype, donc le curé, le contremaître ou le cacique, et souvent le notaire aussi. Ouais, le personnel de la mairie et les adjoints maires qui ont fait chier le monde pendant des années, mais qui concrètement, parce que tout le monde se connaît, tous ceux qui concrètement ont fait en sorte de plonger la tête dans la misère, de te entretenir, de saboter. Il faut voir, il y a des insurrections pendant toutes les années 30 dans certains villages aragonais. Et tous ceux qui ont échoué dans ces insurrections, qui se sont fait choper, mais c'était effroyable. Une torture dans les commissariats, enfin dans les casernes de la garde civile. La famille qu'on fait chier de toutes les manières possibles, les femmes qui se retrouvent seules avec des enfants à travailler la terre toute seule. Et pire que ça, on avait des situations où ils arrêtaient les voisins qui aidaient ces gens-là. C'est même la solidarité minimale ne pouvait pas être appliquée, les autres étaient aussi punis. C'est inimaginable la cruauté des rapports sociaux à cette époque-là. Donc, comme je disais dans l'émission de la prochaine fois, on pourrait même trouver que il aurait pu y avoir encore plus de brutalité et de vengeance. Le sentiment de vengeance, ça s'arrête assez vite, finalement. Mais à chaud, il est réel. Il est réel, en ville comme à la campagne. Ouais, du coup, une grande partie de ces 50 000 exécutés sont personnifient une violence terrible des rapports sociaux du capitalisme espagnol où les propriétaires terriens exploitent leurs ouvriers agricoles d'une manière particulièrement ignoble, où l'Église appuie ça. Et il faut encore une fois, je pense, rappeler que du côté franquiste, là les exécutions ne sont pas, il n'y a pas d'exception, on liquide tout le monde, quoi, et les massacres commencent très tôt en fait, et du coup évidemment il y a des épisodes de vengeance à chaud qui vont aussi se faire en réaction à ce qu'on apprend sur ce qui se passe à Badajoz dès le début de la guerre d'Espagne. À Belchite. Là, il y a des gens à Belchite, dans une commune côté républicain. Ils apprennent le même jour que la femme du maire, de l'ancien maire, sa fille et sa belle-mère, elles ont été fusillées. Parce qu'ils fusillaient les femmes, les vieux, les jeunes, tout le monde. Les enfants, tout le monde. Donc les mecs, ils devenaient fous, quoi. Après, ils faisaient pression s'il y avait des miliciens à côté, ils faisaient pression pour qu'ils aillent. Les mecs qu'on avait mis de côté dans la prison du village, parce que on se méfiait d'eux, c'était des mecs de droite ou des représentants de l'ancien ordre. On les mettait en prison pour les contrôler. Là, il arrivait souvent que les gens, la population même, demande aux hommes en armes d'aller les liquider. Ah oui, bien sûr. Parce que c'était insupportable, quoi. Bah, c'est comme pour dresser un parallèle historique avec la Commune de Paris, quand on a liquidé les deux généraux, il y en avait un des deux qui avait participé à la répression sanglante quelques mois ou quelques années plus tôt de la population parisienne. Donc évidemment, ces phénomènes de, on prend toujours la violence révolutionnaire de manière décontextualisée, sans rapporter par rapport à la violence de l'autre camp, sans rapporter à la violence des rapports sociaux ordinaires qui précèdent, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je pense que votre chapitre à la fin de A Zaragoza al Charco permet un petit peu, sans faire non plus une histoire, et c'est ça qui est aussi intéressant, sans faire une histoire angélique du mouvement anarchiste. Oui, parce qu'on parle de personnages qui se sont dédiés à la traque des derechistas, comme ils disaient, ou des fascistas. Ils ont dit, il n'y a pas de souci, ces gens-là, ils sont partout planqués dans les campagnes, dans les villes, ils vont nous tomber dessus par derrière, et effectivement, on est dans une guerre civile. Hein. Il n'y a pas de front, le front il est un peu partout, quoi. Ouais. Donc là, la cinquième colonne. Voilà, il traquait ces gens-là et il les exécutait sans beaucoup d'état d'âme. Hein. Ça, il y en a qui se sont spécialisés. On peut aussi subodorer que certains aimaient ça. Hein. Ils avaient un goût pour. Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tout était justifié, évidemment. Non, mais Emilio Marc, comme les curés, des fois, il y a des curés. Le simple fait d'être curé dans la rue, ils étaient arrêtés et fusillés, quoi. Mais pour certains, c'était on le voit dans les villages où des gens, comme tu disais tout à l'heure, ont défendu leur curé en disant mais non, il a été très, très sympa avec nous. Il ne nous a pas fait chier. Il a été, au contraire, il nous a aidés, etc. Ou au Pays Basque, il ne faut pas oublier que tout le clergé. Les représentants de l'Église au Pays Basque, la plupart du temps, ils ont pris fait et cause pour la République. Et là, c'est les franquistes qui les ont zigouillés. Ouais. Là, ils ont été arrêtés, fusillés. Voilà, ça c'est aussi ce qu'un truc qu'on raconte moins. C'est pas mal, ça aussi. Quoi. Oui, voilà. Eh ben, je sais pas si tu voulais rajouter autre chose. Bon, moi, je voulais juste lire un petit extrait d'une préface de Thomas Ibáñez, qui a préfacé un livre qui est paru à Barcelone, qu'on apprécie beaucoup, et qui raconte l'histoire de gens dans un quartier populaire de Barcelone. Justement, lui, il raconte aussi comment ils en sont arrivés à juillet 36 à faire tout ce qu'ils ont fait. Et il raconte ces années 30, à travers des gens qui s'organisent dans un quartier. Et c'est un livre vraiment magnifique qu'on aimerait bien voir traduit. Et voilà ce que dit Thomas Ibáñez, on se rejoint pas mal là-dessus. Il dit les panégyriques ont toujours été méprisables et contre-productifs. En fait, la tentation d'idéaliser les protagonistes ou leur lutte disparaît lorsqu'on réalise que seule la vérité simple et nue est capable d'émouvoir, que tout autre procédé n'est qu'artifice et crée une distance irréversible qui annule l'effort de rapprocher le lecteur de ce qui s'est passé en ces temps-là. Maquiller et embellir la réalité n'est pas utile lorsque la réalité en question se suffit à elle-même pour susciter le respect et dans certains cas l'admiration. Voilà, c'est un peu notre point de vue aussi, quoi. On pense, il n'y a pas besoin de rogner un peu les choses pas trop jolies ou de pas toucher à l'iconographie de certains personnages de cette histoire-là. Non, on dit ce qu'il y a. Il y a une matière tellement riche, c'est vraiment très intéressant. Et je pense que c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Et ben, donc du coup, on invite tous les gens qui ont écouté cette émission autour des deux publications des gyménologues à Zaragoza ou al Charco. Enfin, précisément, c'était Myrtille qui est venue nous parler. Oui, non, ce que je veux rajouter, c'est qu'on peut trouver. On va trouver à Zaragoza ou al Charco en avant-première sur le stand de Libertalia à partir de mercredi sur la place de la République. Et les Fils de la Nuit vont vraiment arriver la semaine suivante. Voilà, donc voilà, on pourra tout trouver à République. Pour ceux qui sont pressés, avant d'aller trouver en librairie, vous trouverez tout ça au stand de Libertalia. Voilà, et donc du coup, voilà, c'était une émission autour des deux publications à Zaragoza et al Charco qu'on peut trouver dès maintenant à République. Et dès demain, ouais. Et puis Les Fils de la Nuit, qu'on trouve, voilà, la réédition chez Libertalia qu'on trouvera la semaine prochaine. Et donc, on était donc avec Myrtille Desgyménologue. Donc merci Myrtille. Salut, salut. Et puis on écoutera notre autre émission avec les gyménologues sur l'histoire, une histoire plus complète de la Révolution espagnole de 1936-1937, du communisme libertaire espagnol, de l'autogestion capitaliste dans les usines barcelonaise, de la contre-révolution communiste et républicaine, et de la question de la militarisation, du communisme libertaire en Aragon. Voilà, on trouvera tout ça dans l'autre émission. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.